Section 73 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La lecture, tome 6e. Section 73, La lettre, par Albert Delpy. Chapitre 1. Elle descendit du fiacre payé d'avance et disparut dans la maison. Elle ouvrit la porte d'un petit rez-de-chaussée, entra vivement et s'appuya sur le mur capitonné après avoir relevé son voile. Pendant une minute, elle resta là, blanche, secouée de frissons, les yeux fermés, prête à défaillir. Puis, elle pénétra dans la seconde pièce et regarda autour d'elle. Un reposoir d'amour, ce petit nid au milieu de Paris fiévreux. Des fleurs partout, des coussins empilés au hasard sur le tapis sourd. À gauche, en piano, au fond le lit à colonne, très large, recouvert en satin noir. Au dehors, le silence de l'avenue Kléber. La comtesse Fernande Rion demeurait debout, promenant son regard sombre sur toutes ces choses familières. Dans chacune gisait un souvenir. Et ces souvenirs entraient un à un dans son cœur. Cette femme brune, grande, souple, avec des yeux d'un vert étrange, était l'angoisse vivante. Sans bouger, debout, elle dit à haute voix: que va-t-il répondre? Puis 3 ou 4 minutes s'écoulèrent encore, silencieuses, lourdes. Une clé grinça dans la serrure. Alors, un changement instanté se produisit chez la comtesse. Les femmes sont de prodigieuses comédiennes. Quand Henri Servin entra, elle souriait. Il la prit dans les bras et l'étreignit longuement. Follement. On eût dit que ces deux êtres oubliaient le monde dans l'infini de cette caresse ardente. Mais Fernande souffrait trop pour oublier. Elle se dégagea bientôt et s'assit dans un fauteuil. Il se mit sur un coussin à ses pieds. Alors, elle, doucement: il y a un siècle que je ne t'ai vu et je t'ai vu hier. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'adore. Autant qu'il y a un an? Plus. Un an. Déjà. C'est que je suis jalouse. Tu as de telles tentations autour de toi. Tu es jeune, tu es célèbre. Il y a tant de femmes que ta musique passionne et qui te font la cour. Quand ce ne serait que pour te prendre à moi. Il ne sentit pas l'amertume. Il ne se méfiait pas. Il répéta: je t'adore. Son compte téléthéâtre où tu es forcé d'aller? Repit-elle. La répétition de ton opéra a bien marché aujourd'hui? Très bien. Elle éclata de rire. Tu ne sais pas. Jeanne est venue me voir tantôt. Elle m'a raconté que celle qui chantera le grand rôle. Comment l'appelles-tu donc, la débutante? Louise Plantier. C'est cela. Eh bien, Jean m'a raconté que cette Louise Plantier est amoureuse de toi et que tu l'as trouvée très bien. Oh, mais très bien. Elle a voulu me faire souffrir. C'est-tu naturel, ma meilleure amie? Henri détournait son regard maintenant. Cet homme fin, avec ses yeux sincères, devait répugner au mensonge. « Je suis bien sûr que tu ne m'as jamais trompé, va. Et pourtant, je te le répète, j'ai toujours peur. Tu n'as pas fait attention à cette chanteuse? » « Mais non. » « Bien vrai. » « Bien vrai. » « Tu sais que j'aime en toi autant la noblesse du caractère que la noblesse du talent. » Donne-moi ta parole d'honneur, que tu ne me mens pas, et je te croirai. Je te donne ma parole d'honneur. Elle se dressa, superbe, frémissante, arrachant son masque de tendresse. Lâche, lâche, lâche. Tu es l'amant de cette fille. Tu lui as écrit. Tiens, voici la lettre. Si tu m'avais avoué la vérité, je t'aurais pardonné une surprise des sangs. Mais tu as attesté ton honneur. Tu as menti comme un laquais pris sans faute. Est-ce que je t'ai jamais menti, moi? Est-ce que je ne t'ai pas tout dit? Mal marié, mes tentations vaines jusqu'au jour que je t'ai rencontré. Je me suis donné à toi, éperdu. Lasse de ma vie mondaine et fausse. J'ai tout risqué avec joie. Je me suis compromise avec délice. Paris entier, c'est notre liaison. Mon mari, nos amis, tout le monde, enfin. Ça m'était bien égal. Tu m'aimais. Et je t'aimais. Que me faisait mon amour, puisque je m'endormais dans mon amour? Henri eut un geste brusque. Eh bien. Oui, s'écria-t-il. J'ai menti lâchement. J'avais peur de te perdre. Mais je t'aime. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Il faudra bien que tu le puisses. Moi, je ne t'aime plus. Et je te méprise. Adieu. Il se planta en face de la porte, les bras croisés, la tête haute. Écoute, dit-il, tu me connais. Si tu ne me pardonnes pas, je me tue. Elle éclata de rire, d'un rire cruel et douloureux. Allons donc. On fait ces choses-là, on ne les annonce pas. Henri s'écarta, et froidement. C'est bien. Passe, dit-il. Fin de section 73.